laquelle. Je ne suis pas. Oh, plus grand. Thank you. croyais. Des idées. Thank you. d'aussi loin, d'aussi près. Maintenant, occuper le présent. Surfer à présent. Thank you.